Avocat et juriste au sein de l'équipe du Cresson, Pierre Liochon formule l'hypothèse d'une servitude sonore pour mieux comprendre les situations de nuisance dues au bruit. Pierre Liochon. Première chose, qu'est-ce que sanctionne le droit lorsqu'il y a plainte ou une demande de réparation ou de sanction en matière de bruit? Est-ce que ce qui est anormal, c'est la cause, le trouble? Ou est-ce que c'est le trouble lui-même qui est anormal? Et sanctionner en matière de bruit l'anormalité de trouble. Et on ne se préoccupe pas de l'anormalité de la cause du trouble. Ce qui veut donc dire qu'il y a un trouble normal. Trouble normal qui est la conséquence des inconvénients normaux du voisinage. Par contre, sont sanctionnés les inconvénients anormaux, excessifs de voisinage. Donc si on sanctionne les inconvénients excessifs de voisinage, c'est qu'on reconnaît, a fortiori, que les inconvénients normaux de voisinage ne sont pas sanctionnés. Et qu'en conséquence, ils sont autorisés. Et que s'ils sont autorisés, ils existent. Ce qui veut donc dire que lorsque j'utilise un espace fermé à un endroit donné, que ce soit un appartement, que ce soit une maison, on va sanctionner si le voisin peut invoquer un trouble anormal. Donc j'ai droit de créer un inconvénient normal de voisinage. C'est aberrant de dire ça, mais c'est vrai. Alors, pourquoi est-ce qu'on m'autorise à créer des inconvénients normaux de voisinage? Parce que je ne peux utiliser cet espace qu'en créant des inconvénients normaux de voisinage, c'est-à-dire que l'usage ne peut pas se limiter à la surface ou au volume que j'occupe. On reconnaît que je peux utiliser le fonds voisin. C'est quoi? Ben, c'est une servitude. C'est-à-dire qu'on reconnaît que pour utiliser l'espace que j'ai besoin d'un territoire plus large, qui est peut-être le territoire de vie qui est déterminé par rapport à l'usage. Et ce n'est que dans la mesure où on considérera que je crée un inconvénient excessif de voisinage que je serai sanctionné. Donc j'ai, en tant qu'utilisateur d'un espace, une servitude sur le fond voisin. Parce que si on prend la jurisprudence, on ne dit jamais « les cris des enfants sont bruyants ». La Cour de cassation dit « les cris excessifs d'enfants sont bruyants ». C'est parce qu'ils sont excessifs que, je veux dire, ils sont anormaux. Les aboiements de chiens qui empêchent de dormir, c'est parce qu'ils empêchent de dormir qu'ils sont sanctionnés. Et cette notion de servitude me paraît intéressante, parce que justement, c'est là qu'elle pourrait avoir une certaine tolérance, une certaine compréhension, c'est-à-dire de comprendre que pour utiliser un espace, j'ai besoin d'un périmètre ou d'une surface ou d'un volume ou de mordre sur la propriété voisine. C'est aussi reconnaître que si la personne à côté le fait, moi je peux le faire aussi. Je veux dire, on ne parle plus en termes de victime et de coupable, je veux dire, on parle en termes d'utilisation d'un espace et d'ouvrir plus largement cet espace à cette notion complètement fermée. Alors, c'est fantastique le parallèle qu'il peut y avoir entre le bruit et une servitude de passage. Peut-être que les conflits en matière de bruit de la fin du XXe siècle sont les mêmes que les conflits de passage du XIXe ou XVIIIe siècle. Par analogie, on peut reconstruire une théorie identique en disant que pour utiliser un espace, j'ai besoin de faire du bruit parfois, et lorsque ce bruit se fait, il peut y avoir à ce moment-là un débat sur la notion d'utilisation de l'extérieur pour son propre mode de vie interne. Et en sachant que on ne le met pas en termes de coupable et de non-coupable, mais en termes de mode de vie et d'usage. Alors, c'est un petit peu comme ça qu'actuellement on en est au niveau de la recherche, à travailler sur ces notions-là en disant, prenant en compte l'extension du lieu de propriété, et voyons la notion beaucoup plus large de mode de vie et de besoin vital au mode de vie. Et essayons peut-être de voir si le discours social qui se véhicule n'est pas complètement piégé dès le départ par une toute autre approche du bruit, qui est en fait une attitude revendicative, vengeresse par moments. On voit dans les conflits de voisinage où ce n'est pas véritablement le bruit qui est en jeu. Et c'est un peu l'orientation actuelle de nos travaux. Ne nous laissons pas enfermer peut-être dans ce discours social dominant, fondé sur le règlement de compte, hein, puisque c'est bien ça que j'ai un peu derrière la tête, manière comme une autre, bon, de véhiculer des vieilles querelles et de les trancher.